Java, le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java de samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coup de balai, à grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. Pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les verres s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça swing comme un doudou. On se défend.